bouquin qui s'appelle Réflexe de Maud Maïras. Oui. Voilà. Alors, quand j'ai lu les critiques, je me suis dit waouh, ce livre a l'air génial. Et en fait, pas vraiment. Ah. Puis quand on voit la pochette, enfin, la pochette est quand même interpellante, questionnante. Voilà, parce qu'on voit une petite fille avec un masque de loup qui se tient à la tête. C'est ça. Et donc ça a l'air. C'est comme si elle allait rentrer dans le prochain clip de Sia. C'est presque ça, ouais. C'est presque ça. C'est la réflexion que je me suis fait. Tiens, une image du nouveau Sia pour moi. Ah non, pas du tout. Bon. Et donc en fait, on retrouve l'histoire d'Iris, qui est photographe de l'identité judiciaire. Et en fait, c'est surtout des gens anonymes qui l'appellent pour venir photographier les scènes de crime. Et ouais. Un matin, elle reçoit un appel pour retourner en fait dans sa ville natale, mmh. où elle n'a plus mis les pieds depuis 11 ans. D'accord. Pour aller photographier une scène de crime. Bien. Quand elle arrive là-bas, elle se rend compte que c'est la mort d'un enfant. Bon. Qu'elle doit photographier. Le seul hic, c'est que 11 ans auparavant, elle a perdu son fils. Sauvagement assassiné. Voilà, 11 ans auparavant, Swan, dans la même ville. Forcément, les souvenirs sont là. Les souvenirs sont là. Et elle n'a pas eu une vie facile. Elle a quitté sa mère qui était une femme très stricte et très. Très chrétienne et très voilà, presque nonne. Voilà. Et à savoir qu'Iris est tombée enceinte à l'âge de 17 ans. D'accord. Bon. Donc ça a été un peu compliqué. Et donc quand son fils est décédé, mais elle a quitté complètement la ville, elle a quitté sa mère et elle est partie vivre complètement autre part. Donc elle se retrouve dans cette ville. Alors, il y a des flashbacks au milieu de tout ça, incessants, et on retourne jusqu'en 1920. Oufti. Oufti, voilà, oufti. Où on retrouve une petite fille, Julie, mm-hmm. à 11 ans, qui revient de l'école pour entrer chez elle et qui décide de prendre un raccourci. Aïe. Alors qu'on lui avait dit surtout ne va pas par là. Et forcément, ouais. Elle va passer par là et elle va tomber sur deux anciens militaires, puisque c'est le retour de la Grande Guerre. Ben forcément. Ouais. Ben ouais. Et les militaires qui sont revenus aux États-Unis sont, comme la plupart des vétérans actuels, n'ont rien, ouais. et vivent dans la rue. Et le souci, c'est qu'à 11 ans, elle va tomber sur deux mecs qui n'ont un peu rien à battre et qui vont la violer. Qui n'ont plus rien à perdre, ouais. Voilà, et qui vont la violer, en fait, dans cette ruelle de raccourci. Et donc, elle va tomber enceinte. Sulfureux. Sulfureux. Elle va tomber enceinte, donc ses parents décident de l'envoyer dans une pension. Mmh. Parce qu'elle a mis la honte sur la famille. Puisque ses parents vont finir par ne pas croire. Qu'elle s'est faite violer, mais plutôt que c'est ce que dit toute la ville, que c'est une petite traînée. Et qu'en fait, voilà. Ah ouais. Carrément. Et donc, elle va donner naissance à une fille. Et elle va mourir durant l'accouchement dans ce foyer, aussi tenu par des bonnes sœurs. À l'époque, on imagine plus que strict. Voilà, et donc c'est toute l'histoire tourne autour de Iris maintenant et de l'histoire de cette fille, donc de D'accord. ce bébé qui a vécu une grande partie de sa vie dans un foyer tenu par des nonnes. Alors c'est un livre qui est très psychologique. Ouais. Voilà, il y a pas de grands rebondissements, pas du tout. D'accord. Et donc on dit que c'est un thriller, mais ouais. Enfin... Si on veut, c'est dérangeant parce qu'on n'a pas le nom de la ville. C'est vraiment bizarre, je me suis dit, un truc qui m'a un peu... Ça peut se passer partout, quoi. Ouais. C'est un peu l'idée. C'est l'idée que c'est ouais. dans la ville voisine, c'est près de chez vous, c'est en bas de votre rue, des choses comme ça, quoi. Ouais, on a un peu de mal à y croire, quand même. Vraiment beaucoup de mal. Et, donc ça manquerait de détails, du coup. Et, non, pas vraiment. Maintenant, ça manque de rebondissements, ça manque de... D'accord. Ouais, à la fin. Si, à la fin. Okay. Forcément. encore heureuse. Mais entre deux, ben voilà, Iris, c'est une fille qui est très repliée sur elle-même depuis la mort de son fils, qui n'aime pas sa mère, qui en même temps découvre qu'elle est malade et part la voir tous les jours dans un centre psychologique. Ok. Voilà, parce qu'elle va bientôt mourir, donc. Enfin voilà, elle retourne dans sa maison d'enfance où apparemment elle a vécu des choses horribles. Elle parle de son père qu'elle adorait, mais en fait on découvre plus tard que on comprend dès le début son père en fait l'a violée. Enfin voilà, c'est plus une. On tourne autour de ça quand même quoi. Voilà, c'est ça. C'est plus un bouquin qui va parler de la psychologie en tout cas d'un personnage plutôt que d'histoire. D'une histoire policière ou d'un thriller proprement dit. L'histoire est un prétexte finalement pour mettre en exergue un personnage. C'est ça, voilà. Bon. Donc ceux qui aiment bien ce genre de livre. Voilà, allez-y, j'allais dire. C'est super bien écrit, c'est super bien fait. Ah, bah c'est ça que j'avais posé comme question. C'est super bien écrit, il n'y a rien à dire là-dessus. Ouais. Maintenant, moi, ça ne m'a pas emballé, quoi. Bon. Voilà. Reste un peu sur ta faim. Quand même. Bon. Voilà. On rappelle quand même. Réflexe. Ouais. Maud Maïras. Mmh. C'était sorti en 2014. D'accord. Pour le bouquin, pour la première édition en tout cas. Mmh. Et c'est sorti en livre de poche pour ceux qui veulent un plus petit bouquin. Elle a écrit d'autres choses ou c'est son premier ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Je peux regarder. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas dire comme ça. D'habitude, on voit la première page, mais là, il n'y a rien d'écrit. Donc, ouais, ouais, donc on ne sait rien. Non, c'est, je ne sais pas. Par contre, il y a une. On a la radio. Il y a une superbe playlist dans ce bouquin. Ah, bon. Voilà, c'est le bon côté des choses. Il y a une très très bonne playlist du bouquin. Genre, allez, comme ça, mets-nous à la bouche. Attends. Je reprends. C'est qu'il y avait Dead Man Bones, par exemple. Ouais, Nick Cave and the Bad Seeds. C'est ça. Nirvana, bon bah voilà. Ouais. David Lynch. Ouais. Neubotten, Fever Ray, Johnny Cash, Pearl Jam. Les Cramps, Lou Reed. oui. Massive Attack, Timber. Tricky, The Kills. Voilà, Jack White, Les Strokes, PJ Harvey. Qu'est-ce qu'il y a encore C'est une fille qui a écrit. Slipknot, Screaming Joe Hawkins. Bah oui. Quand même, Kiss Choice, voilà, Perfume Genius, Radiohead, Patti Smith. Bon. Voilà. Un petit peu. Quand même. Un peu pour tout le monde. Donc plutôt quelqu'un qui aime bien la bonne musique. La musique. Allez, voilà. C'est déjà ça. C'est ça. Bon, allez, on va vous passer du vinyle à cette heure-ci. Bah ouais. Allons-y. Quand même dans les petites choses, pas très anciennes, mais quand même rares. Et ça arrive à ce moment-ci, bah parce que ça arrive à ce moment-ci. Est-ce que tu te souviens du groupe True Forms ? Ça te dit quelque chose ? Ouais. Ils ont partagé un split album. Ils sont anglais, je pense bien, hein, True Forms. Tout à fait. Voilà, ils ont partagé un split album avec les Allemands de Iceband and the Witch. C'est ça, hein ? Et on va, non pas écouter True Forms, évidemment, mais on va se plonger sur Iceband and the Witch. Ça sortait chez Invanda Records en 2014. En vinyle, ouais. Un superbe vinyle blanc, on reste dans les couleurs. Hein. Ouais. On est parti sur c'est le rose. C'est celui qui est écrit normalement. Dans le rose, dans le vert pomme, etc. Effectivement, ouais. Voilà. Et dédicacé quand même. Bon, ça tu peux dire ce que tu veux. Tu peux il dire est c'est... dédicacé. Bon, d'accord. Voilà. Iceband and the Witch. On va écouter simplement No Dog. Découverte quasi du jour pour moi. Si. Donc, on y va. We'll be right back. Suite et fin. Ça marche. Suite et fin de l'album de la semaine, donc. Oui. Très très bon morceau, je t'avoue. Précise. Oui, on redit. Ouais, bon, vas-y, on peut vas-y, redire. Vas-y. Alors voilà, Ace Ben and the Witch qui a partagé une plaque avec les Anglais de True Forms. Et, eux sont Berlin. Mm-hmm. Et on écoutait No Dog. Pour ce disque, il y a 4 titres pour True Forms et 2 pour Ace Ben and the Witch qui a sorti 2 ou 3 albums, me semble-t-il. C'est possible. Et on reviendra avec du Ace Ben and the Witch dans les prochaines émissions. Cool. Allez, suite et fin de l'album de la semaine, mais cette fois on est avec The Underground Youth. Mm-hmm. Voilà. Pas de date pour l'instant prévue par chez nous. Bon. Faut qu'on y en a une seule prévue en Allemagne, en tout cas. Ah, mon appétit d'envie. Facile, bravo. Facile. À Munich, voilà, pour ceux qui sont dans le coin, au mois d'août, pour les vacances. Et voilà. Pourquoi pas ? Allez, dernier extrait pour cet album. What kind of dystopian hellhole is this ? Heureusement qu'on ne doit pas le dire 20 fois sur une émission. Tu dois le dire 20 fois avant la fin de l'émission, avant 22h. Ce ne sera pas possible. Un morceau qui dure 6 minutes. Voilà, une petite pause musicale. Bah ouais. Bah, ils viennent d'en avoir une bonne, là. Bah ouais, bah ils en auront encore une bonne. Voilà. Le morceau s'appelle Your Sweet Love. We'll be right back. Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manche en simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-selle. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Et encore... Well, this is the story of a man who lived in Utopia. This is the story of a man who lived in Utopia. He was a funny little fella with feet just like I showed ya. Well, he had a girl, her name was Mary Lou. The Man from Utopia meets Mary Lou. Yeah. Frank Zappa pour l'archive du dimanche. Et ouais, Frank Zappa en archive. J'avoue, je prends un énorme risque. Hein, parce que pour entrer dans l'univers de Frank Zappa, ben, une séquence comme ça, c'est un petit peu ridicule, évidemment. Il ouais. faut des heures. Juste pour l'introduction. C'est ça. Et puis après, il faut des années pour pouvoir rentrer dans son univers. C'est typiquement le genre d'artiste inclassable, unique. Et là, les deux mots conviennent parfaitement dans leur sens premier du terme, inclassable et unique. Frank Zappa, et nous, on se plonge sur cet album de 1983 qui s'appelle The Man from Utopia. Pur choix de hasard, voilà. Donc, d'accord. Cherchez pas, l'album est sorti le 28 mars 1983. Antépénultième album pour Zappa et album qui m'a marqué, mais voilà, ça c'est pour les amateurs de BD, ouais. Qui m'a marqué parce que la pochette a été réalisée par Tanino Liberatore, le dessinateur de Rank Xerox, et il y a la donnée des traits et des airs de Rank Xerox, personnage incroyable évidemment des années 80. rayon BD, voilà, comics italien dans sa forme la plus trash, évidemment. Et donc voilà, Transforme mes appâts, en Rank Xerox, c'est rigolo. Et donc voilà pourquoi. Pourquoi on a cet album. Pourquoi The Man from Utopia. Bon, il y a aussi une autre raison, c'est que finalement, c'est vraiment pas le meilleur album de Zappa. Mm-hmm. Et pourtant, c'est peut-être celui par lequel on peut comprendre un peu son chemin et ses choix. D'accord. Voilà. Parce que c'est un album qui est pas trop, trop compliqué, j'ai envie de dire. Mais tout est relatif. C'est un album qui est extrêmement riche, évidemment, qui fait la part belle au jazz, qui fait la part belle aux harmonies vocales, on a pu s'en rendre compte, qui fait la part belle aussi à des traits de guitare, voire même des traits de génie pour les parties de guitare, un petit peu uniques. Et c'est un gamin à l'époque qui s'appelle Steve Vai, qui s'occupe des parties de guitare. Voilà. Bon, t'as l'air bien, mon petit, viens avec moi, je vais te montrer deux, trois trucs. Ah ben finalement, ce que tu fais, j'aime bien, et hop, je vais garder. Ça s'est passé exactement comme ça. Sur cet album, on retrouve une kyrielle et une ribambelle incroyable de musiciens, évidemment. Hein. Le toujours Roy Estrada pour les parties chant, ouais, parce que Zappa chante, mais le chant est toujours dévolu à 3, 4, 5 personnes dans ses albums. Hein. Il ne chante pas seul. Comme à son habitude, il joue des parties batterie, il joue de la guitare, il chante, il fait tout. Et puis la controverse de cet album de Man From Utopia, c'est que c'est aussi un faux live finalement, comme Zappa a fait beaucoup d'albums faux live dans sa vie. Pour la petite histoire, The Man From Utopia fait référence directement à une tournée qu'il a effectuée en 1982 en Italie, ouais. Où ça s'est vraiment mal passé, et pas forcément l'accueil du public qui lui était convaincu de Zappa, et donc le public salé, mais les organisateurs successifs se sont tous plantés à l'un ou l'autre endroit. Autre chose, si on reprend la pochette de Tonino Liberatore, on voit Frank Zappa sur scène avec une grande tapette à mouche qui essaye d'éloigner des